donne l'espoir de rencontrer un jour une fille charmante qui me donnera l'amour pour que je reste à tour. Princesse de Touraine, la reine de mon cœur, je chante et tu m'entraînes vers une vie meilleure. Princesse de Touraine, je vis à 100 à l'heure, je cours et tu m'entraînes toujours vers le bonheur. Princesse de Touraine, la reine de mon cœur, je chante et tu m'entraînes vers une vie meilleure. Princesse de Touraine, je vis à 100 à l'heure, je cours et tu m'entraînes toujours vers le bonheur. C'était donc Princesse de Touraine, composition de paroles de Corinne Chrétien et musique de Mick Bréhain, interprétée bien sûr par l'orchestre de Mick Bréhain. On continue à 12h42 bientôt. On continue avec... je l'avais à la sous-dise, je l'ai perdu. Bon, moi, c'est pas grave. Je pense que c'est Pierre-André. C'est Pierre-André... Oui, d'après la musique, c'est Pierre-André. Et ça s'intitule « Le moulin de Chaumeil, le pays de Jean Figurel et Mondière, Robert Mondière. » Tournez les grandes ailes du moulin de Chaumeil. La journée est belle avec le soleil. La meunière est mignonne et elle n'a que 20 ans. La farine est bien bonne au moulin du printemps. Tournez les grandes ailes le soleil. La meunière est mignonne et elle n'a que 20 ans. La farine est bien bonne au moulin du printemps. La meunière est mignonne et elle n'a que 20 ans. La farine est bien bonne au moulin du printemps. Et on continue avec Pierre André. C'est en allant au zoo de Vincennes que sur un banc j'ai rencontré Zoé. Elle était prof de Zumba africaine. Moi j'étais célibataire en friqué. J'avais remarqué sa taille de sirène, une belle prise pour le pêcheur que j'étais. Touchante et drôle, pas farouche et sans gêne. Un seul défaut, car la belle se sentait. Nous partîmes voir les otaries, les girafes, bien sûr les zèbres et les éléphants, les gros zébus, les okapis, les iguanes, qui au soleil les ardent gentiment. Main dans la main, nous fîmes toute la balade, la langue de Zoé zozotait gaiement. À une terrasse, on commanda une limonade, le zoo de Paris devenait excitant. Mais le gardien, ce zozo en uniforme, qui zigzaguait au milieu des allées, au volant de son auto tout difforme, n'a pas vu que l'on se zozotait. Fonça vers nous, effrayant tout le monde, sur le capot, renversa la Zoé. Puis finir tous deux leur folle course en trombe, dans une savane, celle des chimpanzés. Aussitôt les otaries, les girafes, bien sûr les zèbres et les éléphants, les gros zébus, les okapis, les iguanes, devant le raffut, s'excitèrent bruyamment. Le cul par terre, contemplant tout ce drame, cherchant de l'aide, ben oui mais n'en trouvant, je décidais de foncer sauver la dame. Seulement voilà, y avait les orangs-outans. La brave bête ne voulait pas de mal, pas étonnant, car c'était une femelle. Et voyant que je m'étais fait bien mal, me serra fort tout contre ses mamelles. Alors que Zoé criait « Sans secours !» j'étais bien en peine de pouvoir l'aider, découvrant dans les bras tout l'amour que la femelle voulait me témoigner. Aussitôt les otaries, les girafes, bien sûr les zèbres et les éléphants, les gros zébus, les okapis, les iguanes, devant le tableau se calmèrent tendrement. Le cul par terre, découvrant la belle âme, ses gestes doux zozotaient doucement. J'en vais très vite à oublier la dame et décidait d'aimer les orangs-outans. C'est comme ça. Suite à problème informatique, vous n'aurez pas d'histoire de Berlaudio aujourd'hui. Je connais quelqu'un qui va être très content. Je ne dis pas qui, bien sûr. C'est une dame qui n'aime pas vers l'audio, donc madame, c'est un magnifique dimanche qui s'annonce pour vous. On continue par une dédicace et on va écouter Guy Aschliemann et son orchestre. Il nous interprète la chante ma cornemuse, une valse, demandée de la part de Simone pour ses amis de l'accordéon, l'été dansant, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci Simone. Alors je vais vous donner un conseil, Simone. Vous éteignez le feu, chauffage, et vous vous mettez à côté du congélateur. Parce que vu le temps qu'il fait, il doit y avoir 14 euros ou 13, un truc comme ça. C'est quand même pas mal pour un mois de février. Je me rappelle quand j'étais gamin, et vous aussi certainement, on avait de la neige en février. Février était toujours le mois le plus dur. Et bien maintenant, il a fait 22 à Pau hier, soit 14 degrés au-dessus de la normale saisonnière. À Toulouse, 22. C'est de la folie. Alors c'est de la faute à quelqu'un, mais bon, on peut pas se permettre d'accuser sans savoir, n'est-ce pas? Bon, ben bon après-midi, à l'écoute d'Arc-en-Ciel, chante ma cornemuse. Au fond de nos cœurs, tu bon notre père. C'est un vrai bonheur, ami de passage. Fais donc un détour et goûte avec ferveur ces airs du fond les âges. Tous nos paysages respirent l'amour. Regarde le vieil horizon en sifflant cette chanson. Chante ma cornemuse les vieux airs du pays. Lorsque tes notes fusent, le Morvan resplendit. Tes mélodies légères glissent au fond de nos cœurs. Tu sens bon notre terre, c'est un vrai bonheur. Et moi, vagabond, simple musicien, je vais par les chemins avec ma cornemuse. De plaine en vallon, étonné d'Amiens, je joue pour tous les gens qui vivent dans le Morvan. une petite dédicace pour le plaisir personnel de Paulette à Fleury-les-Aubrais. Et Mick Brian et Corinne Chrétien, ils nous interprètent « Jeunesse, il n'y a rien qui presse ». Il a raison. Mais Mick Brian, c'est pareil, je crois qu'il ralentit son travail. Et tout le monde vieillit, c'est la loi. D'accord, mais sans excès de vitesse, car entre nous, y'a rien qui presse. Quittez tout ce qui nous intéresse, le bal, l'amour, et puis le reste. Franchement, les gars, y'a rien qui presse. Faire nos adieux ôter dansant, facile à dire, mais en le disant, je me sens que ça presse pas pour l'instant. Oubliez le bal, jouer à l'amour, et les mélodies de toujours. Y'a rien qui presse, c'est pas le jour. La jeunesse, oui c'est vraiment le paradis. La jeunesse, c'est les plus beaux jours de la vie. La jeunesse, quand elle s'éloigne on le sent aussi. La jeunesse, quand elle nous quitte c'est pour la vie. Et ses beaux souliers vernis pour des chaussons plus beaux des nuits. Y'a rien qui presse à mon avis. Dire adieu à notre jeunesse. Ok mais sans excès de vitesse. Car entre nous y'a rien qui presse. Abandonner les gars de l'orchestre. Accrocher son cœur et sa veste. Soyons sérieux, y'a rien qui presse. C'est la fête et les copains pour cultiver son coin de jardin. Y'a rien qui presse, on verra demain. La jeunesse, oui c'est vraiment le paradis. La jeunesse, c'est les plus beaux jours de la vie. La jeunesse, quand elle s'éloigne on le sent aussi. La jeunesse, quand elle nous quitte, c'est pour la vie. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Thank you. était dynamique, il aimait déjà la musique. Fasciné d'un instrument mythique, sa boîte à frissons magnifique. Comme ses jurelles en terre corésienne, il mixera le chant de Touraine, composant refrains et ritournelles, glorifiant ses belles tourangelles. Viva El Dynamique, musique sur tous les tons. Viva El Dynamique, on chante tes chansons. Viva El Dynamique, et vive l'accordéon. Viva El Dynamique, c'est ma vie en chanson. La FM en couleur. Quand Lulu joue de l'accordéon, Lulu, c'est Lulu Charleux, qui était très célèbre au début du siècle, au début du siècle dernier, bien sûr, en Morvan. Lulu Charleux, et c'est là interprété par Guy Sliman et son orchestre. Ça faisait du bruit dans les cantons. Le était en musette et des brisants à avalon. Il n'y avait plus de spleen ni de bourdon. On avait envie de boire un canon au son de l'accordéon. Les joyeux Alsaciens, non, c'est pas le groupe, c'est le titre, pardon. Si c'est le groupe, les joyeux Alsaciens, ils interprètent Der Hans im Schnuckloch. Voilà, la chanson de nous. Avec Guy Schliemann. C'est la gigue Morvandelle qui nous vient du temps des rois. Damoiseaux et damoiselles, tous s'en donnent à cœur joie. Et on dit au bout du pied et de la jambe, l'ondillon saute tout court autrefois. C'est un bonheur que de danser ensemble, c'est du plaisir dans les balles à papa. C'est la gigue Morvandelle qui se danse comme autrefois. Morvandiaux et Morvandelle chantent et dansent dans la joie. On la danse à Maisonconte, également à Corancy. À Saulieu, elle est savante, où sait-on, elle fleurit. Et l'on bobille, et l'on chante, et l'on danse, et l'on s'éclate dans le bonheur et la joie. Dans tous les bals, même pendant les vacances, où mon beuvre est tête dansait les Gaulois. C'est la gigue Morvandelle, c'est qu'il vient du temps des rois. Morvandiaux et Morvandelle, venez danser avec moi. Thank you. Music Show Orchestra. Allons-nous promener dans les Vosges. Partons demain, il doit faire beau. C'est vrai, les gens qui sont écloses, elles seront belles sur les photos. Va pour nous deux un tour de lac, c'est romantique dans une barque. Toi et moi, gentiment, là-haut sur la montagne. Toi et moi, tendrement, prendre le temps de respirer vraiment. Écouter chanter la nature, loin du bruit des villes et des voitures. Une ferme auberge pour manger, tarte aux myrtilles, minster et pain, avant de courir dans les prés. Va pour nous deux, tous nos souris, y a pas plus heureux dans la vie. Toi et moi, gentiment, là-haut sur la montagne. Toi et moi, longuement, prendre le temps de respirer vraiment. Écouter chanter la nature, loin du bruit des villes et des voitures. Partons demain, il doit faire beau. Marcher nous fera les joues roses et le plus grand bien pour la peau. Va pour nous deux, main dans la main, un bol d'air pur, ça fait du bien. Toi et moi, gentiment, là-haut sur la montagne. Toi et moi, longuement, prendre le temps de respirer vraiment. Écouter chanter la nature, loin du bruit des villes et des voitures. Pierre Schliemann nous interprète la Marwandelle. Thank you. C'était le groupe Les Cigognes d'Alsace, nous ont interprété Auprès de ma blonde. Et on retrouve Pierre-André. Quand les cabrettes sonnent. Maintenant de la Beauce au Morvan, et c'est Cédric Boisard. De la Beauce au Morvan, et ça depuis longtemps, le fil de l'amitié ne s'est jamais cassé, et au fond de mon cœur, la terre de mes parents, je partage ma vie, de là-bas à ici, paysage n'est pas le même. Au son de l'accordéon, on aime tous faire la fête dans les petits bals musettes. Je partage ma vie, de là-bas à ici, paysage n'est pas le même. We'll be right back. belle région. L'amitié c'est sacré, personne n'est oublié, quel que soit le moment. Reste avec Cédric et ça s'intitule La bourrée qui nous plaît. Paroles de Jacqueline Sanchez, musique de Cédric Boisard. C'est ça qui nous plaît. Les enfants, les parents, tout le monde est content de passer un bon moment. Dans le village où je suis né, rien ne peut remplacer cette joyeuse bourrée. Et dans toutes les guinguettes, on la trouve très chouette, elle est de toutes les fêtes. Et pas besoin de vous tracasser, vous saurez la danser. Car c'est vraiment pas compliqué, laissez-vous entraîner. Passer un bon moment. Dans le village où je suis né, rien ne peut remplacer cette joyeuse bourrée. Et dans toutes les guinguettes, on la trouve très chouette, elle est de toutes les fêtes. Et pas besoin de vous tracasser, vous saurez la danser. Car c'est vraiment pas compliqué, laissez-vous entraîner. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Heureusement qu'on est là, hein, pour vous réveiller. On va continuer avec la fille du fermier. Et bien sûr, ce sera Pierre-André. continuer avec eux. On va continuer avec la valse du nuisement, paroles et musique de Cédric Boisard. Et c'est une valse de la part de Mamie Geneviève pour Simone et l'animateur, merci. Et on écoute. Et cette valse avait été jouée lors d'une venue sur l'ex Orléans TV, disparu malheureusement aujourd'hui. Ça fait quelques années, puisque Cédric n'avait pas 18 ans, c'est son papa qui l'avait amené. Et sa professeure d'accordéon. Et pour les internautes, vous pouvez le retrouver en tapant Cédric Boisard sur Google, Cédric Boisard sur Orléans TV. On continue avec Cédric. Cette chanson, elle est à toi. Il a dédié cette composition à son grand-père paternel. Parole de Christiane Fombran, que je connais, que j'ai déjà reçu à Radio Arc-en-Ciel, et musique de Cédric Boisard. Cette chanson, elle est à toi. Toi qui aimes ton accordéon. Les regrets viennent chaque fois que tu entends tous les flonflons. Tu aurais aimé faire danser toutes les filles et les garçons, mais la vie avait décidé que c'était une autre chanson. Tu m'as transmis de profite de ta retraite pour faire de beaux paniers d'osier. Mais tu as une arme secrète qui, hélas, n'est pas ton métier. Tu bricoles, fais du jardinage, mais bien souvent je le devine qu'il y a toujours dans ta tête mille petites chansonnettes. Cette chanson, elle est à toi. Toi, toi qui aimes tant l'accordéon. Et les regrets viennent chaque fois que tu entends tous ces flonflons. Tu aurais aimé faire danser toutes les filles et tous les garçons. Mais la vie avait décidé que c'était une autre chanson. Passons tous les On va abandonner un peu le folklore et on va retrouver l'accordéon, puisqu'on est privé d'Internet. On écoute Freddy Laveau et Serge Louis. Le bon temps des guinguettes. Où est-il le bon temps des guinguettes, quand nous allions ensemble faire la fête, avec tous nos amis, nos copains. Je t'assure ma vie que c'était bien. Où est-il le bon temps révolu, des guinguettes aujourd'hui disparues. Mais je garderai toujours avec un brin d'amour le parfum de ces beaux jours. Nous allions bercés par les chemins de la vie. L'espoir naît toujours après les chagrins d'amour. Tu me tenais la main comme le font tous les gamins. Et moi, bercé de joie, je me blottis dans tes bras. Où est-il mon corps des guinguettes, quand nous allions ensemble faire la fête, avec tous nos amis, nos copains. Je t'assure, mamie, que c'était bien. Où est-il mon corps révolu, des guinguettes aujourd'hui disparues. Mais je garderai toujours avec un brin d'amour le parfum de ces beaux jours. Que tu reviennes et que nous partions tous les deux. Je prendrai ta main dans la mienne, comme le font tous les amoureux. J'aimerais tant que tu reviennes. Je n'aurai plus d'eau dans les yeux, ni de feu qui brûle mes veines. Les souvenirs bien torturés, mon cœur. Sans toi, je n'ai plus le droit au bonheur. Tu es comme une lumière dans la nuit. Sans toi, je ne sais que faire de ma vie. Tu es parti sans un bruit, sans un mot. Toi qui étais le plus beau des cadeaux. Depuis plus rien n'a vraiment d'importance. Je voudrais que j'aimerais tant que tu reviennes et que nous partions tous les deux. Je prendrai ta main dans la mienne, comme le font tous les amoureux. J'aimerais tant que tu reviennes. Je n'aurai plus d'eau dans les yeux, ni de feu qui brûle mes veines. Je reprends ce jour heureux. Les souvenirs bien torturés, mon cœur. Sans toi, je n'ai plus le droit au bonheur. Lui comme une lumière dans la nuit. Sans toi je ne sais que faire de ma vie. Tu es parti sans un bruit, sans amour. Toi qui étais le plus beau des cadeaux. Depuis plus rien n'a vraiment d'importance. Je voudrais que tout recommence. Torturer mon cœur. Sans toi je n'ai plus le droit au bonheur. Tu es comme une lumière dans la nuit. Sans toi je ne sais que faire de ma vie. Tu es parti sans un bruit, sans un mot. Toi qui étais le plus beau des cadeaux. Depuis plus rien n'a vraiment d'importance. Je voudrais que tout recommence. J'aimerais tant que tu reviennes. Le temps passe quand même. Il est 13h passé de 59 minutes pratiquement. Et on va écouter quelques publicités. Maison. Avez-vous réservé votre Saint-Valentin? Non? Eh bien, Radio Arc-en-Ciel organise, le samedi 15 février, un dîner-spectacle Saint-Valentin. Soirée fado, avec le groupe de Schwad. Menu gourmand, amuse-bouche, bacalhau au flincesigne, morue ou croque gourmand. Dessert, fromage et café, avec des tarifs très attrayants. Repas-spectacle adhérent, 25 euros. Repas spectacle non adhérent, 27 euros. Menu enfant de moins de 12 ans, 10 euros. Boisson non incluse. Et à partir de 23 heures, un bal animé par le duo 25 avril. C'est gratuit. Et oui, c'est gratuit pour nos adhérents. Non adhérents, 5 euros. Sous réservation avant le 10 février 2020 au 06 79 08 42 05 ou au 06 51 65 22 21. Réservez vite. En famille, en amoureux ou en ami. Venez passer un moment exceptionnel le samedi 15 février à la salle des fêtes de Saint-Privé Saint-Mémin. 20 mouches, tout douche. Fui pintar as unhas por tranças no cabelo. Meu amor, de longe há de vir beijar-me no castelo. Escapade en excursion à Lourdes. Le week-end de la Pentecôte du samedi 30 mai au lundi 1er juin. Départ de Gien le vendredi 29 mai à 20h. Départ d'Orléans face au théâtre d'Orléans à 21h30. Arrivée à Lourdes le samedi 30 mai vers 8h au petit déjeuner. Départ de Lourdes le lundi 1er juin après le petit déjeuner. Arrivée à Orléans vers 20h. Arrivé à Gien vers 22h. Inclus dans le prix tous les repas du petit déjeuner du 30 juin au petit déjeuner du lundi 1er juin, sauf les boissons. Panier repas pour la route. Pour tout renseignement, contactez Monsieur Simon ou Madame Rosinda au 02 38 38 16 64 ou au 06 33 01 83 00 ou encore au 07 81 76 59 64. Préparez donc ce petit week-end en excursion à Lourdes.

applaudir les champions de notre Paris-Corrèze. À Chomeil, tous nous irons. Je vais au Monédière sur un air d'accordéon. Come prima tu me donnes tant de joie, que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre, et ma chance c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi je t'aime comme on aime une fois. Quand tu restes prisonnière, prisonnière de mes bras, tu me donnes tant de joie. Tu trouves, ma chérie, quand on est ensemble, que rien ne semble m'intéresser. Comment prêter aux gens la moindre importance quand je ne pense qu'à t'embrasser. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita, ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani, fra le mani, tengerò te. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. Adesso non voglio bene come te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, come prima. T'amerò. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Thank you.

Je rappelle que dimanche prochain, à partir de 12h30, je recevrai un orchestre. C'est exceptionnel le dimanche, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce sont les Oreilles qui saignent, qui nous viennent d'Eure-et-Loir, et que j'ai déjà reçu l'an dernier, si mes souvenirs sont bons. Une dédicace, figurez-vous. Eh oui, ça évite de dormir. C'est de la part d'Anne-Marie pour l'animateur, et puis vice-versa, comme toujours. J'ai pas fait exprès, mais ça m'a tombé sous ma main. Bertrand Ambert, et c'est Mon cœur te dit je t'aime. Eh, c'est pas mal ça, hein? Thank you. l'air de nos 20 ans. Ce cahier le dimanche, les chansons de nos grands-parents, valse des roses blanches. Il suffit d'un accordéon et d'une chansonnette, une valse pour un frisson, un refrain dans la tête. 1, 2, 3, 80 ans, la valse reste musette. Rien ne change au fil du temps, il y aura toujours des guinguettes. Reste musette, rien ne change au fil du temps, il y aura toujours des guinguettes. Rien ne change au fil du temps, il y aura toujours des guinguettes. Eh bien, dans quelques minutes, je vous laisserai en compagnie de RDP International, en direct du Portugal, puis mille excuses pour ces petits problèmes, même des gros problèmes, de diffusion Internet. J'essayais de boucher les trous comme je pouvais, mais c'est pas évident. L'animateur s'endort, l'auditeur, je sais pas. Je vous le souhaite pas. Les folies sont affaires de vauriens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'y fermer. Et comme il se méfie des gourmets, il nous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Thank you. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Cocktail coloré, variété, je ne sais pas ce que je présenterai demain, parce que je ne serai sûrement pas dépanné encore. Bonne soirée et à demain. On termine avec Pierre-André. Paysan par le sang et français par la terre, avec dans ton berceau ce nom dont tu es fier. Tu es né humblement, 7 ans avant la guerre, mais pour ta liberté, des années de galère. Tu choisis malgré tout ton chemin, ton métier, malgré bien des pressions et liberté d'aimer. Aimer ton père, ta mère, aimer ta sœur, tes frères, et plus tard dans ta vie, aimer enfin ma mère. Alors à 17 ans, sur un simple vélo, tu es parti bosser bien loin de ton village. Barbezière, Saint-Amand, Barbezière, Montmoreau, la sueur libératrice coulait sur ton visage. Après bien des nuits blanches, Angoulême, un beau jour, maman m'en a parlé de vos soirées ciné. La grande ville, enfin, enfin le grand amour, le début d'un roman qui ne finit jamais. J'espère que maintenant t'as appris à danser, parce qu'un jour je viendrai quand bon Dieu m'appellera. Dis-lui qu'il me réserve un bon accordéon, je te jouerai la java, la bourrée, la polka. Je sais, t'es parmi nous, non, tu n'es pas bien loin. Tu dois bien rigoler, de temps en temps quand je te parle. Dis bonjour à tout le monde, à Mario, le Sicilien. On se retrouvera un jour pour le bal des étoiles. Rappeler tes partis, défendre l'Algérie, ou plutôt les colons, s'il fallait par ta vie, pour quelques négriers contre un peuple asservi, aujourd'hui insoumis aux lois de mon pays. 57 à Paris, peut-être pour toujours, enfin libre et pourtant conscient de ton devoir, sauveur de la famille et père d'un troubadour. Les années défilaient en forgeant mon histoire. Chaque vendredi soir, tu rentrais de Paris, gare des Bénédictins, on allait te chercher. Alors tu m'embrassais, on passait chez mamie. Tu m'offrais une voiture, le plus beau des jouets. Le train-train de ta vie, c'était la vie du rail. Ta famille avant tout, ta femme. Duas da tarde em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, é 1 da tarde. Vamos conhecer os temas que marcam a...